c'est reparti. Bonsoir, bonjour, je sais pas, comme vous voulez. J'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est l'enregistrement de la cinquième édition du Home Recording de la saga des Fab Four. C'est la saga des Fab Four numéro 450C. C'est comme confiné, puisque je l'enregistre à la maison, ne pouvant pas aller à la radio pour l'instant. Et l'album de la semaine, c'est l'album Liverpool 8 de Ringo Starr en 2008. On écoutera Liverpool 8, forcément. Il y aura Things About You. Oh, pardon. Think About You, c'est différent. Think About You. Il y aura également For Love, Give It A Try, Harry's Song, que vous aimez bien, et celle que je préfère sur l'album, Are You Ready, en fin d'émission. Voilà. Pour Harrison, il nous comptera la chanson Run Off The Mill sur l'album All Things Must Pass, en 70. Mother sera chantée par John Lennon sur Plastic Ono Band, en 70 aussi. Et nous pousserons de 3 ans sur Ben on the Run, en 1973, pour entendre Mrs. Vanderbilt par Paul McCartney. Quant aux Beatles, la première chanson, ce sera Don't Let Me Down, mais sur l'album Let It Be Naked, sorti en 2003. Pour le reste, eh bien, vous verrez, on est ensemble pendant 2 heures et peut-être un petit bout, puisque je prépare les disques à peu près, et comme on n'a pas de contraintes de temps, eh bien, on va jusqu'au bout de la playlist. Je vous invite à nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four, dans le topic qui est tout en haut, celui sur lequel vous verrez la photo de Ringo Starr, et de la date du jour, le 15. C'est enregistré dans les conditions du direct, hein, donc je laisse les erreurs. Le 15 avril 2020, ce sera le jour où vous devez ouvrir le podcast à 20h02, parce que juste avant, on félicite les infirmières. Allez, on commence par le premier titre, qui en principe passe sur RIG 90.7. Voici extrait de Liverpool 8. Liverpool 8, justement, Ringo Starr. Bonne émission. I was a sailor first, I sailed the sea. Then I got a job in a factory. Played Buckland's Camp with my friend Rory. It was good for him, it was great for me. Liverpool, I left you, said goodbye to Madryn Street. I always followed my heart, and I never missed a beat. Destiny was calling, I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down. Went to Hamburg, the red lights were on, with George and Paul and my friend John. We rocked all night, we all looked up. We didn't have much, but we had enough. Liverpool, I left you, said goodbye to Madryn Street. I always followed my heart, and I never the beat. Destiny was calling, I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down. Fun. When I look back, it sure was cool for those 4 boys from Liverpool. Liverpool, I left you, said goodbye to Admiral Grove. I always followed my heart, Pour l'année 2008, la ville de Liverpool a été désignée capitale européenne de la culture. En tant qu'aîné de ses plus prestigieux enfants, Ringo Starr a inauguré les festivités par un concert en janvier, promotionnant dans la foulée son nouvel album, opportunément appelé Liverpool 8, le 8 désignant l'un des quartiers de la cité. Lancement habile qui a donné un surplus de visibilité à ce que beaucoup ont considéré comme l'un des meilleurs albums de Starr depuis les années 70. Mais les commentateurs usent facilement de ce type de comparaison. Time Takes Time en 92 et Vertical Man en 98 avaient déjà été ainsi gratifiés, ce qui devrait laisser supposer que Ringo évolue de plus en plus et de mieux en mieux, ce qui est un peu le cas, mais pas trop quand même, faut pas exagérer. Comme tous ceux qui l'ont précédé depuis une décennie, cet album a été le fruit de la collaboration rapprochée que Ringo entretient avec le musicien et producteur Mark Hudson et le groupe The Roundheads. Cette longue complicité a engendré des résultats inégaux, mais elle a eu au moins le mérite de donner à Ringo le sentiment qu'il menait désormais sa barque seul, sans avoir besoin d'un recours devenu systématique à ses pairs les plus doués, les autres ex-Beatles en tête. En 2007, une ombre s'est glissée au tableau et le torchon a brûlé entre Ringo et Mark Hudson. En fin de course, c'est finalement à Dave Stewart, ex-compositeur et guitariste de Eurythmics, qu'ont été confiées les clés du studio pour achever les finitions de cet album. Il y a tout lieu de se féliciter de cet inattendu retournement à l'écoute de la chanson Liverpool 8 que Ringo co-signe avec Dave Stewart. Dans une veine tendrement nostalgique, le batteur y évoque son enfance, l'envol des Beatles, le départ de sa ville natale et un attachement qui demeure inchangé. Dave Stewart a taillé là une mélodie sur mesure du velours pour la voix de Ringo et on se surprend très vite à siffloter avec lui. Tout ceci lui ressemble enfin pleinement et rien ne vient travestir sa personnalité. Si Dave Stewart a rajouté ça et là sa patte et sa guitare, les 11 autres chansons du disque sont le fruit des sessions avec Mark Hudson et The Roundheads. On y retrouve à peu près la même matière première ayant prévalu dans les précédents albums faits de rock mid-tempo, comme Think About You, Now That She's Gone par exemple, des ballades acoustiques comme Give It A Try, Passo Doble, où Ringo se la joue Latin Lover sur de belles roucoulades de guitare espagnole, et la séquence aux accents country et bluesy, la chanson que j'adore, en You Ready. C'est dans une ambiance jazzy et moelleuse que Ringo rend un tardif hommage discographique à son ami, le chanteur américain Harry Nilsson, avec la chanson Harry Song que l'on écoutera plus tard. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet album. Voici la deuxième chanson, Run Off The Mill, c'est George Harrison, sur R.I.G., ou plutôt dans la saga des Fab Four confinés, la saga faite à la maison. But I never left you. fait toujours rire quand il hurle comme ça. John Lennon, en 1970, qui règle ses comptes avec ses propres peurs et qui ose enfin parler de sa mère qui est partie trop tôt, de son père qu'il a abandonné littéralement. Et donc, il en fait une très, très, très, très belle chanson en hurlant parce que le professeur Janovs, je crois, qui avait psychanalysé John Lennon, avait mis au point une théorie qui s'appelait la théorie du cri primal. Il disait qu'il faut lâcher tous ses sentiments, toutes ses frustrations en hurlant très très fort, et après ça va mieux. Bah écoutez, ça a l'air d'avoir marché pour John Lennon en tout cas. Ça allait mieux progressivement. En 1980, malheureusement pour lui, il disait « J'ai 40 ans, je me sens bien et j'ai toute la vie devant moi. À cause d'un imbécile, ce ne sera pas le cas. » C'est Paul McCartney maintenant. 1973, Mrs. Vanderbilt, dans la saga des Fab Four. When you

No, I never heard it at all till there was you. Cha-cha-boom. On retrouve John Lennon maintenant en 1974 avec numéro 9, le rêve numéro 9. Il était très intrigué par le numéro 9. Il est né le 9 octobre. Son propre fils Sean est né aussi le même jour, le 9 octobre. Il avait l'impression d'avoir une relation bien spéciale avec ce chiffre-là. Allez, le voici donc Number 9 Dream. Thank you. Abawa, Kawa, poussez, poussez à tout le monde, hein, bien évidemment. Et j'espère que vous tenez le coup, confiné chez vous. C'est la saga numéro 450C. C'est pour confiner, puisque je ne peux pas être sur RIG 90.7, qui est normalement la radio des Beatles, ou sur www.rigfm.fr. Ça, ce sera quand on reviendra du confinement, quand on aura le droit de se déplacer à nouveau. Pour l'instant, je l'enregistre à la maison et je vous le propose pour tous les mercredis, si vous le voulez bien, et on en discute sur le groupe Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. J'espère que vous faites ça, parce que c'est sympa quand même d'avoir l'impression que tout va bien, que tout est normal, que la vie suit son cours. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait. Elle suit son cours, la vie. Et moi, je vous propose de revenir à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Liverpool 8 de Ringo Starr en 2008. Nous avons écouté déjà deux titres. Voici le troisième, For Love, tout simplement. Un grand classique des Beatles, l'amour, l'amour. Feel like I'm going under, my heart it beats like thunder. For love, for love, for love. Can it be a saying, this is a price worth paying, for love, for love, for love. You have to have a heart to have it broken, to hear the words of love softly spoken. It seems so easy, if love is coming in you better know it. Come and let it out, you gotta show it. I'll stand in line. Sometimes the tears are filling up the ocean. So embrace them. No matter how you try, you can't forget it. We can only make it better if you let it. We'll stand in line together. Do it all for love. gonna do what I can. George Harrison à l'instant en 1974 sur l'album Dark Horse, c'était Far East Man. On peut toujours dire, on peut toujours affirmer au sujet des quatre Beatles, au sujet de nos quatre amis, que même dans un album un peu plus moyen que les autres, il y a toujours des perles, comme cette chanson par exemple, qui est sur un album qui n'est pas extraordinaire par rapport à ce qu'il a pu faire, ce qu'il a fait avant et ce qu'il fera après, mais il y a de très belles chansons. Comme l'ambiance de cette chanson-là. J'aime bien, et je ne la passe pas souvent, mais ça m'a fait plaisir de vous la proposer aujourd'hui dans la saga des Fab Four, la saga 450C, c'est pour confiner. I don't wanna spoil the party, so I'll go.

Elle commence également sur un accord mineur, en étant soutenue par une ligne de basse descendante. Entre 61 et 62, Del Shannon plaça 4 titres en tête des charts américains. Runaway, Hard Off to Larry, So Long Baby et Hey Little Girl. En 63, il eut un nouveau hit avec Little Town Flirt, puis vint jouer au Royal Albert Hall de Londres le 18 avril avec les Beatles. Il leur proposa de promouvoir leur chanson aux États-Unis en reprenant l'une de leurs compositions en 45 tours. Les Beatles acceptèrent et Del Shannon rentra aux États-Unis. Il y enregistra sa version de From Me to You, qui ne dépassa pas la 77e place, mais eut l'insigne honneur d'être la première composition signée Lennon-McCartney inscrite dans les charts américains. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson-là. Enfin, une anecdote au sujet de cette chanson-là et de cette année-là. Si nous retrouvions l'album de la semaine, c'est l'album Liverpool 8 de Ringo Starr. Voici un autre titre, Give It a Try, surérigé en temps normal, c'est 90.7 ou www.rigfm.fr, mais là c'est en confiné, donc c'est un podcast que vous avez directement entre vos mains. Everybody has a dream that they hold on to, but what can they do to make it come true? Everybody has a whole lot of life to live, but you gotta sit back, oh, you gotta relax. You've got to love every breath you breathe. Look at the sky and believe. Smile a little more as life goes by, with love in your eyes. Just give it a try, give it a try. Tired of looking over your shoulder, it's time to take a look at yourself. Don't be left on the shelf. In the end you will surrender, and then you'll be fine like everyone else. You'll be finding yourself. Une chanson sympa, signée Ringo Starr, sur son album Liverpool 8, sorti en 2008. Je vous propose la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George, que ce soit avec les Beatles ou séparément, même si eux-mêmes faisaient déjà la cover de quelqu'un d'autre, comme Little Richard, par exemple. Je dis toujours Little Richard parce que c'est le premier nom qui me vient à l'esprit.

sur ligne avec ma sœur. Vous voyez ce que c'est que de faire des sagas confinées. On a quelquefois des surprises et ma sœur vient de dire « T'es où ?» Je ne sais pas si ça sera sur l'enregistrement, on verra ça plus tard. Il y a quelques années, George Michael avait demandé à Paul McCartney de collaborer pour rechanter une chanson. Cette chanson, c'est « Heal the Pain ». Quand deux compositeurs avec deux belles voix se mettent ensemble, c'est plutôt sympa. Voici la chanson, sur RIG en temps normal, mais là, à la maison. Inside. Whenever you want me, you know that I will be stop thinking about you. Can't stop thinking about you. Je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. C'est vrai. C'était George Harrison qui le disait en 1975 sur l'album Extra Texture, Read All About It. Un titre qu'il avait trouvé en regardant une marque de pâte où il y avait marqué ça dessus. Extra Texture, Read All About It. Treat me so

Allez, on termine en douceur cette saga confinée. D'abord John Lennon, Beautiful Boy, et puis deux chansons de McCartney à la suite. Et ce sera terminé. Close your eyes. Have no fear. The monster's gone. He's on. Darling Sean. s'arrêter là, c'est normal, on laisse continuer, on poursuit le disque. That's coming, now the snow is on the ground. Winter rose, winter rose, shine your light in the air. Winter rose, winter rose, shine your light everywhere. C'est déjà fini. C'était la saga numéro 450C, enregistrée à la maison. J'espère qu'on se reverra bientôt, un de ces jours, à la radio sur 90.7 et sur www.rjfm.fr. Voilà, c'était Thierry Gallet, donc chez moi. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on a commenté sur Facebook, dans le groupe La Saga des Femmes Fortes. Et on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ciao.